Les importants mouvements sociaux qui agitent votre chroniqueur Aimé Bonaparte n'ayant toujours pas pris fin, nous vous proposons la rediffusion d'une de ses premières interventions radiophoniques en lieu et place d'une nouvelle chronique de cheval. Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Prune avec Aimé Bonaparte et nous allons parler aujourd'hui du chignon banane en compagnie de notre invité, Toto, qui s'est momentanément absenté pour aller aux toilettes et donc comme il a fermé la porte, nous sommes dans l'incapacité de le joindre. Et même sur son portable en fait, parce que bon, on capte très mal dans les toilettes de Prune, nous en sommes désolés, voilà. On va donc se retrouver après une pause musicale. Alors, on va écouter The Unknown Mystery of Life par DJ Riddlewax. À tout à l'heure, peut-être en compagnie de notre invité sur Prune. Et tout de suite, DJ Riddlewax avec The Unknown Mystery of Life. Alors donc, vous êtes toujours sur Prune, en compagnie de Aimé Bonaparte. Aimé Bonaparte, bonjour. Bonjour. Donc, notre invité Toto n'est toujours pas... Non, s'il te plaît, arrête. Non, voilà, il y a une ambiance de folie dans les studios, alors qu'on n'a toujours pas retrouvé Toto, puisqu'il est toujours aux toilettes. Visiblement, il a quelques problèmes suite à une erreur médicale. Un pharmacien lui aurait, et j'emploie bien le conditionnel, lui aurait donc administré par erreur des cartouches de fusil à la place de suppositoires. Donc c'est pas grave, on va passer à notre second sujet, la sécurité sur les petites embarcations destinées à la navigation fluviale. Alors ce sujet fait écho à l'accident récemment survenu à Pince-Mi du célèbre duo comique Pince-Mi et Pince-Moi. Vous en avez peut-être entendu parler dans les journaux à l'antenne de Prune. Alors que Pince-Mi et Pince-Moi étaient en bateau, Pince-Mi est en effet tombé à l'eau et s'en est heureusement sorti sans trop de problèmes. Nous parlerons de ce sujet brûlant... après notre deuxième pause musicale, n'est-ce pas Bonaparte? Oui. Alors donc, on va écouter la Luna Serra Sombrée par les Electro Beats Foundation. C'est un remix de Sigmund Talman et on l'écoute sur tout de suite sur Prune. Alors, vous êtes toujours sur Prune et donc nous parlions aujourd'hui des mesures de sécurité dans la navigation fluviale. L'émission touche bientôt à sa fin et donc merci de nous avoir écoutés. On va donc conclure. Alors, je vais vous rappeler l'info du jour. Ce matin, le président de la communauté urbaine est entré dans un café et plouf. Merci de nous avoir suivis donc et quant à moi, je vous retrouve demain sur Prune et je recevrai deux invités, Paf le chien et le fantôme à la caquette tordue. A demain sur Prune et restez à l'écoute de la musique de Prune. Alors donc merci de nous avoir écoutés et à demain sur Prune. Donc au revoir et à demain sur Prune.